Pourquoi nous avons créé le RDA? En 1945, beaucoup de chercheurs n'étaient pas nés. En 1945, après la grande promesse qu'il avait faite à Brazzaville en 1944, j'ai nommé le général de Gaulle, ce grand homme qui a beaucoup fait pour notre pays et dont nous ne saluerons jamais assez la mémoire. Le général de Gaulle avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire, colonie en ce temps, la colonie française de l'Afrique, avons été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français, alors que seul, avant 1947, était représenté le Sénégal. Je vous éviterai les détails. La lutte est difficile que nous avons dû mener pour nous faire élire librement par nos chers compatriotes. Ce que vous devriez savoir, c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. Le RDA, ce n'était pas Abidjan. Le Rassemblement démocratique ne se limitait pas au seul pays de Côte d'Ivoire. Il s'étendait, c'était son ambition, de rassembler les Africains pour une lutte commune en vue de l'émancipation sociale, politique de notre cher continent. Nous avons eu des sections dans presque tous les pays francophones de l'ex-AWEP et de l'ex-AF. Nous avons même été plus loin. Nous avons créé une section à Djibouti. Et le président actuel de Djibouti était notre secrétaire général. Au Sénégal, malgré la très forte opposition de Feu de Lamine Gueye et de Senghor, le RDA s'est fait l'honneur d'y créer au Sénégal une section territoriale. Elle a mené la lutte pour l'ensemble de notre RDA. Sa lutte ne se limitait pas seulement au seul Sénégal, mais à l'ensemble des pays que défendait le RDA. Et le jour où, en 1945, plutôt en 1956, pour la première fois, Guy Mollet m'a appelé à son gouvernement, Mendès France avait retenu longtemps cette phrase. J'ai dit au président, nous allons nous efforcer en Afrique noire d'éviter les heurts et les incompréhensions qui ailleurs ont conduit la France aux situations que nous déplorons tous, en Asie comme en Afrique. Et nous avons respecté cet engagement. Quelle qu'ait été son importance, le RDA n'est pas le seul parti politique de ces années d'indépendance. La Constitution française de 1946 est la constitution d'une république démocratique et donc reconnaît le pluralisme politique. Pour ce qui est du RDA, reconnaissons que les sections du RDA se limitent à la seule Afrique noire française et donc laissent de côté Madagascar, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, qui ont chacun leur propre parti nationaliste. Et d'autre part, en Afrique noire française, le RDA doit compter avec d'autres formations politiques. Certaines d'entre elles sont proches plutôt des socialistes français, d'autres des démocrates chrétiens, et d'autres sont des partis franchement nationalistes et tout à fait indépendants, comme l'Union des populations du Cameroun ou encore les indépendants d'outre-mer. Sans oublier la création de lycées, de centres d'enseignement supérieur et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, qui joue un rôle important dans cette prise de conscience, tout comme les syndicats sur lesquels témoigne ici le syndicaliste et homme politique nigérien Djibo Bakary en réponse aux questions de RFI.